إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الشيطان قد تلاعب بكثير من الخلق فصرفهم عن جادة الحق فبين قوم يغلون في الصالحين حتى وصلوا إلى تصويرهم أصناما يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى كما وقع في قوم نوح إلى قوم يعبدون النجوم من دون الله تبارك وتعالى والكواكب واتخذوا لها من المعابد ما اتخذوا إلى قوم يعبدون القمر ويزعمون أن إليه تصريف أحوال العالم السفلي فلذلك اتخذوا لها من المعابد ما اتخذوا إلى قوم يعبدون الأشجار والأحجار أصناما منصوبة وأوثانا معلومة يقربون إليها القرابين ويعبدونها من دون رب العالمين إلى قوم يعبدون الملائكة والجن إلى قوم يعبدون الحيوانات كما عبد الأفراس وأقوام يعبدون البقر من دون الله رب العالمين والله تبارك وتعالى قد أرسل المرسلين من أجل تصحيح العقيدة ومن أجل صرف العبادة لله رب العالمين وحده فكل أنبياء الله وكل رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بهذا الأصل الأصيل فلما جعل الله الخلق حنفاء كلهم اجتالتهم الشياطين فمنهم من ثبته الله رب العالمين ومنهم من انحرف عن الصراط المستقيم والله تبارك وتعالى قد دعا أهل الكتاب لأمر عظيم كبير قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن كانت هذه دعوة الله رب العالمين إلى أهل الكتاب أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا فأولى أن تكون هذه الدعوة دعوة الله رب العالمين لجميع المسلمين الذين نزغ الشيطان بينهم فصاروا أحزابا وفرقا وجماعات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فنتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه من الوحيين المعصومين من الكتاب والسنة ونخلص العبادة لله رب العالمين وحده ومعلوم أن إخلاص العبادة لله رب العالمين هو أصل الأصول وبه أرسل الله رب العالمين المرسلين وقد بين الله تبارك وتعالى أن من أخل بهذا الأصل العظيم ومن أشرك بالله تبارك وتعالى غيره فإن رب العالمين لا يغفر له هذا الذنب الكبير الذي هو الشرك فإن الله تبارك وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإما الشرك فإن الله رب العالمين لا يغفره لمن مات غير تائب منه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الذنب العظيم لا يغفره الله رب العالمين لمن مات غير تائب منه والله رب العالمين بين أنه أظلم الظلم إن الشرك لظلم عظيم وبين الله تبارك وتعالى أن من أشرك بالله تبارك وتعالى غيره فأن مأواه حينئذ النار وبئس القرار وبين الله تبارك وتعالى أن من أشرك بالله رب العالمين غيره فإن عمله حابط لا يقبل منه شيء عند الله رب العالمين بل إن الله رب العالمين جعل ذلك في ظاهر الأمر جاريا على من عصمهم الله رب العالمين مما دون ذلك بكثير ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وبين الله رب العالمين أن المشرك نجس وأن نجاسته هذه لا يخلص منها إلا بتوحيده ربه تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فالله رب العالمين جعل هذا الأمر الكبير أصل الأصول في حياة الخلق في الأرض لأن الله رب العالمين إنما خلق الخلق لهذا الأمر الكبير وكل انخلال به يؤدي إلى تلك النهاية العظيمة المفدعة والتي مآلها النار وبئس القرار فترى الشرك على هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى على الأمم قبلها ولا ينجي من ذلك إلا بتوحيد الله رب العالمين خالصا وباتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجردا وأما الإخلال بهذا الأصل الأصيل فإنه إخلال بالغاية التي لأجلها خلق الله رب العالمين الإنسان والله رب العالمين أرسل المرسلين من أجل إصلاح عقائد الخلق في الأرض فكلهم دعوا أقوامهم إلى هذا الأمر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا يمكن أن يصح التوحيد للعبد إلا بالبراءة من الشرك والمشركين وإلا بخلوص من الكفر والبراءة من الكافرين لأن الله رب العالمين أرسل المرسلين بالنفي والإثبات وكلهم جاءوا بهذا الأصل الأصيل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا هذا كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فلم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم والمال ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة معناها مع التلفظ بها عاصما للدم والمال ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإقرار بذلك عاصما للدم والمال حتى يكفر بما يعبد من دون الله رب العالمين وكفر بما يعبد من دون الله رب العالمين فهذا الأمر لا يتم إلا بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله رب العالمين وإلا بكفر بجميع الأنداد وكل الوسائط التي تتخذ بين العبد وربه مع إخلاص التوحيد لله رب العالمين فيأتي بالنفي والإثبات معا وبهما أرسل الله رب العالمين المرسلين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا الأقوام إلى عبادة الله رب العالمين فهموا هذا الأمر عنه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فكانوا يعلمون أن لا إله إلا الله مقتضاها أنه لا معبود بحق إلا الله فهذا معناها ومقتضاها أن يكفر المرء بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى هذا الأمر وإليه دعا إخوانه من المرسلين والنبيين من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأما كثير من الخلق فإنهم يشتبه عليهم هذا الأمر الكبير فمن قائل إن الشرك قد انقطع من الأرض بمجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستندون إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذه الشبهة فنداها علماؤنا عليهم الرحمة وقالوا إنما قصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع على الشرك بالله رب العالمين. وأما أن يقع ذلك واقعا وحالا في دنيا الله تبارك وتعالى فقد وقع ذلك، بل قد عبدت الأشجار ونسبت الأضرحة وارتكب الشرك في جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك إلى عهد قريب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أخبر أن هذا الأمر لا يجمع عليه، وأن ذلك لا يكون في جزيرة العرب ولا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى تجريد التوحيد للعزيز المجيد وإخلاص المتابعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الطريق واحد لا يتعدد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط على الأرض خطا مستقيما، فهو طريق واحد مستقيم، وخط على جانب هذا الخط المستقيم خطوط قصيرة وقال هذا سبيل الله وهذه السبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فالذين لا يلتفتون إلى هذا الأمر الكبير ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به، إنما يتبعون تلك الشياطين على رؤوس تلك السبل. وأما سبيل الله رب العالمين فواحد، والطريق واحد، والمنهج واحد، والمنهج واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدعوة العظمى إنما هي إلى إصلاح عقائد الخلق من أجل صرف العبادات لله رب العالمين وحده. ولا يمكن أن يتم للمسلمين عز ولا تمكين في الأرض حتى يعبدوا الله رب العالمين وحتى يجردوا التوحيد لله جل وعلا، والذل بعد واقع عليهم على قدر مجانبتهم لهذا الأصل الأصيل، إذ هو الذي لأجله خلق الله رب العالمين الإنس والجن وخلق لأجله الخلق، فإذا لم يحققوه وقع عليهم من الذل بحسب مخالفتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأصل الأصيل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل في هذا الأمر مهادنة ولا يقبل فيه صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وإنما جعله واضحا ودعا إليه صلى الله عليه وسلم وحيدا لم يؤمن به أحد بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكتمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال، ولا وهو محصور في الشعب 3 أعوام ظل يدعو إلى توحيد الله رب العالمين، بل وهو في الغار لم ينس هذا الأصل العظيم، وإن الخطر لمحدق به من كل جانب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينس هذا الأصل الأصيل وهو توحيد الله رب العالمين. ولم يكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدعوة إليه بعد أن مكنه الله تبارك وتعالى من الأمر في المدينة، بل دعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا ما استغرب المسلمون ما يحدث لهم من وقوع الذل بهم ومن ارتفاع رؤوس الكفر والضلال في ديارهم ومن تغلب الكفار على كثير من بلدانهم، فإنهم حينئذ يقفون مجدوهين فيقولون بأي شيء هذا، ويأتيهم الخبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي تفرد به أبو داود وهو من أصحاب السنن ورواه غيره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا فيه عن أمر هو من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الأمم أن تضاع عليكم كما تضاع الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثائك غثاء السيل، ولا ينزعن الله رعب منكم من قلوب أعدائكم وليسلطن الله عليكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ فقال حب الدنيا وكراهية الموت. فنظرنا في الصحابة في تلك الثلة المباركة التي التفت حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين حملوا هذا الدين على الأصلين العظيمين. أما الأصل الأول فهو إخلاص الدين لله رب العالمين وحده، وأما الأصل الثاني فأن الطريق واحد، وأنه لا بد من متابعة الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه عروة بن الزبير وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن الأنصري الذي خاصم زبير في مسيل الماء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعاده إلى الفضل ولم يحكم له بالعدل، وإنما حكم له بما هو أعلى وأفضل من العدل وهو الفضل. فقال يا زبير اسقي زرعك وأرسل الماء إلى جارك. فقال له الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غضب يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدرة ثم أرسل الماء إلى جارك. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدل، وأنزل الله رب العالمين قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب نزول هذه الآية كما ترى كان في أمر دنيوي، فليس لأحد عذر في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المسلمين لتعجبون من أين أتينا وما هذا الذل الذي وقع علينا ونزل بساحتنا، والأمر قريب لو أنهم نظروا في كلام الله رب العالمين وفي كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلموا خطأ ذلك ولاستخرجوا وسائل النصر ووسائل الخروج من المتاع التي دخلوا فيها بسبب معصيهم وبسبب اضطرارهم على مخالفة كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذي ينصر الله رب العالمين ينصره الله رب العالمين، ونصر الله رب العالمين لا تكون بالقوة المادية تتوجك كيفما اتفق، وأما نصر الله رب العالمين بنصر دين الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى توحيد الله رب العالمين ونبذ الشرك، وأقوام يعيبون دعاة الإسلام اليوم إذا ما دعوا إلى هذا الأصل الأصيل ويقولون تفرقون الأمة. ونقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له هذا الذي تقولون، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، بعثه الله رب العالمين فرق بين الناس، فهو صلى الله عليه وسلم يفرق بين الرجل وابنه وبين الابن وأبيه وبين المرء وزوجه بكتاب الله رب العالمين وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا إن محمدا فرق بين الناس، كانوا يريدون أن تظل قريش على جاهليتها وتقديس الأوثان وعبادة الأصنام ومجانبة التوحيد، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق قالوا محمدا فرق بين الناس. نعم محمد صلى الله عليه وسلم يفرق بين الهدى والضلال والسنة والبدعة وأهل الرشاد وأهل الضلال، فمحمد فرق بين الناس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق ودعاهم إلى إخلاص الدين لله رب العالمين ونبذ ما يعبد من دون الله جل وعلا تفرق القوم. وأما اجتماع المؤمنين فإنه يكون على توحيد الله رب العالمين ودعوة الإصلاح التي جاء بها المرسلون مبنية في أصلها وأساسها على توحيد الله رب العالمين، على إخلاص الدين لله جل وعلا، لأن الله رب العالمين خلق الخلق لهذا الأصل الأصيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني. فنسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين للحق ردا جميلا وأن يقيمنا عليه إذ ردنا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et que la meilleure des guidées est la guidée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah. Toutes choses nouvellement inventées dans la religion d'Allah, ce sont des innovations. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Le diable s'est joué de beaucoup de personnes, les détournant ainsi de la voie droite entre des peuples qui abusent dans concernant les gens pieux jusqu'à arriver à se mettre à les adorer. Ils abusent dans leur relation avec les gens pieux, avec les hommes pieux, ou ceux qui sont morts et qui disent que ce sont des hommes pieux. Ils abusent dans leur relation avec eux jusqu'à ce qu'ils en arrivent à les invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et comme vous le savez tous, invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, cela fait partie du fait d'associer quelque chose à Allah. Allah Azza wa Jal dit « قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا » dit « J'invoque Allah et je ne lui associe rien du tout. » L'invocation, c'est une adoration. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « الدُّعَا هُوَ الْعِبَادَ » L'invocation, c'est l'adoration. Donc, des peuples ont abusé dans leur comportement avec des hommes pieux jusqu'à en arriver à les adorer. D'autres adorent les étoiles, le soleil, la lune en dehors d'Allah. D'autres encore adorent les anges, les djinns en dehors d'Allah. D'autres adorent des pierres, des statues, des tombes, des arbres en tant que divinité en dehors d'Allah. D'autres adorent des animaux. Et d'autres adorent la vache en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Allah le Très-Haut a envoyé les prophètes et messagers afin de corriger la croyance des gens lorsqu'elle fut corrompue. Afin de corriger la croyance des gens lorsqu'elle fut corrompue. Entre Adam et Nuh, Adam le premier prophète, Nuh premier prophète et messager. Entre Adam et Nuh, il y avait 10 siècles. Kulluhum ala al-khayr, comme a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma avait dit, il y avait 10 siècles entre le prophète Adam et le premier prophète et messager Nuh, il y avait 10 siècles. Tous étaient dans le bien. Ils adoraient Allah sans rien lui associer, sans invoquer quelqu'un d'autre, ou sans craindre une chose comme on craint Allah, ou sans aimer une chose comme on aime Allah. Ils adoraient Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer. Puis, il y avait des hommes pieux parmi ce peuple-là de Nuh, alayhi salam. Lorsqu'ils sont décédés, le diable est venu et leur a dit « Construisez-leur des statues afin que vous vous rappeliez d'eux. » Les générations sont passées. La science s'est perdue. D'où l'importance du savoir en islam. La science s'est perdue, dispersée. Le diable est revenu sous une forme humaine en leur disant « Vos ancêtres adoraient ces statues pour se rapprocher d'Allah. » Et voilà comment la première fois le polythéisme, l'associationnisme est arrivé sur terre. Allah Azza wa Jal a donc envoyé Nuh alayhi salam, en français Noé, afin de corriger la croyance des gens lorsqu'elle fut corrompue par cela. Et c'est le message de tous les prophètes et messagers, d'inviter les gens à unifier et adorer exclusivement et à vouer toute forme d'adoration qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et Allah Azza wa Jal a invité les gens du livre, comme dans sa parole, dans un ordre important, dans la traduction du sens du verset, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions les points les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis à Allah. Et les premiers concernés par cet appel d'Allah Azza wa Jal, eh bien ce sont les musulmans, dont le diable a semé la discorde entre eux et se sont retrouvés ainsi divisés et séparés en groupes et sectes différentes. Nous devons donc avoir cette sincérité dans l'adoration unique à Allah Azza wa Jal. Et nous ne suivons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur les deux révélations. Les deux révélations. Le Coran et la Sunna. La Sunna, c'est une révélation, comme Allah Azza wa Jal dit. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce qu'il dit est une révélation inspirée. Allah Azza wa Jal qui lui a révélé. Le Coran et la Sunna. Donc nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces deux révélations qui sont le Coran et la Sunna. L'adoration sincère à Allah Azza wa Jal, c'est la base de l'islam, le fondement de l'islam. Toute adoration vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal seul, c'est le fondement de l'islam. Si tu n'as pas ce fondement, tu n'as rien. Vous voyez le danger ? Certes, Allah Azza wa Jal, comme il dit dans la traduction au sens du verset, ne pardonne pas qu'on lui associe quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas pour celui qui meurt sans s'en être repenti. Celui qui meurt en ayant voué un acte d'adoration. Et parmi les actes d'adoration, que ce soit le fait d'invoquer, ou même quelqu'un qui est vivant. Si par exemple, il y a un cheikh qui se trouve dans un pays, je ne sais pas, un pays lointain, et l'individu se trouve à Lisieux, et il dit, oh cheikh, aide-moi à ce que je réussisse mon examen ou quoi que ce soit. Mais lui, il est là-bas. Il ne peut pas te le faire. Et là, tu l'invoques, car c'est vous mélangez avec une action du cœur qui fait que là, vous associez quelque chose à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est du shirk akbar, du polythéisme, de l'associationnisme majeur. C'est-à-dire que l'individu n'est plus musulman. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il donne la zakat, même s'il fait le hajj, il n'est plus musulman. Mais pour redevenir musulman, il doit se repentir, comme Allah Azza wa Jal dit dans sourate At-Tawba, fa in tabu ya'ni min ash-shirk, fa in tabu wa aqamu as-salata wa ataw az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Allah Azza wa Jal nous donne la condition pour que des polythéistes deviennent nos frères. Quelle est la condition? Ils doivent se repentir de leur polythéisme, de leur associationnisme, faire la salate et donner la zakat. Voilà les trois conditions pour qu'ils deviennent nos frères, donc ils deviendront donc musulmans. Et l'associationnisme, c'est le pire des péchés. Le pire des péchés. La pire des injustices. Que d'invoquer, ou d'associer, ou de sacrifier un animal pour autre qu'Allah. Sacrifier un animal pour autre qu'Allah. Comme certains font dans certains pays. Ils sacrifient des poules et ils laissent leur sang gicler autour d'une tombe. En disant que c'est pour cet individu qui est mort. Et qu'il va la manger. Sacrifier pour autre qu'Allah annule l'islam de l'individu. Yani ce n'est pas un jeu où on pense que de toute façon, tant qu'on est arabe ou tant qu'on est, on reste musulman. Un individu peut quitter l'islam par une parole qu'il dit. Certains individus quittent l'islam par une moquerie qu'ils font sur l'islam. Oui. Donc ce n'est pas un héritage que vous avez et que ça reste pour l'éternité avec vous. L'individu peut aussi bien entrer dans l'islam comme il peut quitter l'islam. Et c'est pour ça que l'on doit constamment invoquer Allah Azza wa Jal de raffermir notre cœur sur sa religion. Mais cela nécessite bien sûr du savoir et de la science afin de connaître les voies égarées et tout ce qui peut mener à la colère d'Allah Azza wa Jal et s'en écarter. et à prendre la voie des croyants et la suivre et s'y cramponner et demander à Allah Azza wa Jal de le maintenir sur cette voie. Car l'essentiel, ce n'est pas d'arriver à l'arrivée, d'accord ? Mais c'est de mourir sur le chemin qui est droit, sur le droit chemin. Et aussi Allah Azza wa Jal a montré que l'individu qui commet cet acte d'associationnisme-là, c'est-à-dire qu'il craint une chose comme il doit se craindre d'Allah. Lorsqu'il est en présence de quelque chose, comme on voit au bled par exemple, lorsqu'il rentre dans une maison où est-ce qu'il y a une tombe au milieu de la pièce, il rentre et il sent une sorte d'humilité, cette même humilité qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont dans la prière. Eh bien ça, c'est un acte d'adoration. Ne croyez pas que l'acte d'adoration, c'est juste que vous priez. Hein. Ce sont aussi les actions du cœur, le relationnel que vous avez entre vous et tel objet. Si vous pensez qu'en ayant cet objet-là, ou porter les mains de Fatma, comme ils disent, ça ne fait pas partie de l'islam, ça. Ou porter Ayatul Kursi ici, des individus qui ne prient pas, et qui vont peut-être aux toilettes avec, ou ils vont en boîte, ou je ne sais ce qu'ils font, d'accord ? Et ils pensent que ceci va les protéger. Pensez que cet objet-là vous protège, que c'est lui qui vous offre cette protection-là, ça annule l'islam de l'individu, il n'est plus musulman. Tandis que l'individu qui le porte, mais il pense qu'il peut être une cause pour écarter un mal, il peut être une cause, mais lui, en lui-même, ça ne le repousse pas, ça fait partie du polythéisme mineur, mais qui fait partie des grands péchés, et Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. Hein ? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque associé, mais il pardonne en dehors de cela. Donc, le polythéisme, l'associationnisme, c'est donc étendu dans cette communauté après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ne peut être sauvegardé de cela que celui qui ne vouera toute forme d'adoration qu'à Allah seul et qui ne suivra uniquement le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahabes. Tu te mets derrière eux sur cette voie-là à suivre. Mais le fait de se détourner de cela, le fait de se détourner de cet appel-là d'Allah Azza wa Jal, de l'unifier dans son adoration, c'est se détourner de la cause même pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé l'humain. Allah Azza wa Jal dit très bien dans Sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc si tu t'en écartes de cela, tu t'écartes de l'essence même du but de ta vie sur terre ici. C'est pas juste t'es créé, puis tu fais ton travail, ta famille, et puis c'est terminé. Tu dois connaître le but pourquoi t'es ici. Et Allah Azza wa Jal nous l'informe. Il nous a créé pour qu'on l'adore, qu'on l'unifie dans l'adoration, et qu'on se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parce que ça c'est de l'injustice. Et tu ne peux pas cautionner l'injustice. Tu ne la cautionnes pas. Le pur monothéisme, ce qu'on dit en arabe, tawhid, le pur monothéisme, le fait de vouer le culte sincèrement et uniquement à Allah Azza wa Jal seul, ne peut se concrétiser que lorsque l'individu se désavoue et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais tu ne le concrétiseras pas si tu ne te désavoues pas de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Certains utilisent Sourate Al-Kafiroun pour justifier leur respect du kufr. Dire « Lakum dinukum waliyadin » Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Comme quoi, chacun dans son côté. Moi, je te laisse comme ça, toi tu me laisses comme ça. C'est pas ça. Sourate Al-Kafiroun, c'est le bara, c'est le désaveu. Tu te désavoues de cela. Et ça, c'est dans la ilaha illallah. Ibrahim alayhi salam, comme Allah Azza wa Jal nous l'informe, dit à son peuple, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Parce que les mouchriquines, les polythéistes adoraient d'autres choses avec Allah Azza wa Jal. Ils n'ont jamais renié Allah dans leur adoration. Non, ils adoraient ces choses-là pour se rapprocher d'Allah. Pour se rapprocher d'Allah. Vous ne les verrez pas en train de dire non, je le renie. Non. Même, subhanallah, d'autres religions mécréantes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oui, certes, nous avons une centaine de divinités, ce sont des statues. Mais on croit qu'il y a un créateur suprême. Donc eux, ils adorent ces statues, ils adorent cette divinité-là pour se rapprocher hein, du Créateur. Nous ne les adorons que pour se rapprocher d'Allah. Pensez pas que les kuffars de Quraysh et les mouchriquins, du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne croyaient pas en Allah. Al-Nizar, la dispute qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, c'était qu'il les invitait à unifier à Allah, à vouer tout acte d'adoration qu'à Allah seul. Mais eux, ils adoraient Allah. Et ils adoraient d'autres choses avec Allah. Ces autres choses qu'ils adoraient avec Allah, c'était pour se rapprocher d'Allah. Ils n'ont jamais renié qu'Allah c'est le Créateur. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَالسَّخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُونَ اللَّهِ. Et si tu leur posais comme question, qui a créé, tu leur posais à ces mouchriquines, ces polythéistes, ces associationnistes, si tu leur posais, qui a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, c'est Allah. Ils n'ont jamais renié qu'Allah c'est le Créateur. Ils y croyaient. Et ils faisaient le hajj. Ils faisaient le hajj, les mouchriquines. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharik fulan wa fulan fulan. Oh Allah, tu n'as pas, nous répondons à ton appel. Voilà ce qu'il disait. Nous répondons à ton appel. Tu n'as point d'associé, excepté l'associé à un tel et un tel et un tel. Eux, ils ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils avaient compris que « La ilaha illallah » signifiait que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Nulle divinité, parce qu'une divinité c'est ce qui est adoré. « La ilaha huwa al-ma'boud » Mais ils n'ont pas accepté cela. Et ils ont refusé de le prononcer parce qu'ils savaient que s'ils le prononçaient, eh bien ils étaient obligés de s'y soumettre et de l'appliquer. Contrairement à nos jours. Ou est-ce que, confession musulmane, il dit « La ilaha illallah » ?« Ah, la ilaha illallah, mon frère. » C'est tout. Il n'y a rien. On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. « Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah » Craignez le jour où vous reviendrez hein, devant Allah pour rendre des comptes. Ce n'est pas un jeu. « Inna Allah ghafurun rahim » Certes, Allah est très miséricordieux. Mais les gens se tiennent sur cette partie du verset. Mais il faut lire le verset en entier. Nabbi ibadi anni ana al-ghafur al-rahim. Wa anna 'adhabi huwa al-'adhab al-alim. Avertis mes serviteurs que je suis le tout miséricordieux. Mais mon châtiment est le plus sévère. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est dans Sahih Muslim a dit « Quiconque témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et son bien deviennent sacrés, son jugement revient à Allah. » Ne bénéficie pas du fait de dire « La ilaha illallah » Ne bénéficie pas de « La ilaha illallah » Celui qui comprend son sens sans se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Son sang et son bien ne sont pas sacrés. Ça ne lui sert à rien. Ne bénéficie pas de la ilaha illallah celui qui le prononce. Qui le prononce, il dit la ilaha illallah. S'il ne se désavoue pas de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ne bénéficiera pas de ce que implique la ilaha illallah. Celui qui l'accepte, qui accepte ce que ça veut dire, mais refuse ou ne se désavoue pas et ne mécroit pas de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc pour avoir le sang et les biens sacrés, et bénéficier de la ilaha illallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maftahul janna la ilaha illallah. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Mais vous savez que chaque clé a des dents. Et que les dents, ce sont les conditions de la ilaha illallah. Et parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si tu ne le fais pas, ça ne te bénéficie en rien. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invita les peuples à l'adoration d'Allah, ils l'ont tout à fait compris, comme je l'expliquais tout à l'heure. Hein? Ils dirent, a-t-il fait de toutes les divinités une seule à adorer? Il vient avec quelque chose d'étrange. Nos parents, nos ancêtres, adoraient d'autres choses pour se rapprocher d'Allah. Et ils sont convaincus qu'en adorant ces créatures, ces statues, que si tu les pousses, elles tombent par terre, elles se cassent, elles ne peuvent même pas se défendre, ni se protéger, ni te répondre à l'appel de celui qui l'invoque. Cependant, ils s'accrochaient à cela, à ces créatures-là, avec conviction que cela les rapprochera d'Allah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une nouvelle religion que ses ancêtres n'ont pas connue. Il veut nous faire écarter de la religion sur laquelle étaient nos ancêtres. Il vient avec quelque chose d'étrange. Mais il savait ce que signifiait la ilaha illallah, comme nous l'avons dit. Mais s'il le prononçait, eux, ils savaient qu'ils devaient s'y soumettre. Et certains d'entre eux, comme Abu Talib, lorsqu'il est mort en tant que kafir, mécréant, il écrivait des poèmes. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écrivait des poèmes en disant que la meilleure religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des religions. Il l'atteste. Et il a dit quoi ensuite dans son poème? Mais si je ne le considérais pas comme une insulte envers mes ancêtres, je l'aurais accepté. Parce que il se disait, Abu Talib, que s'il accepte le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'unifier Allah Azza wa Jalla seul dans l'adoration, ça veut dire que ses ancêtres étaient dans le faux. Et ça veut dire que ses ancêtres sont en enfer. Et donc il l'a refusé. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Certaines personnes ne veulent pas se convertir à l'islam pour cela. Attends, ma famille, je les aime bien. Ça veut dire que si j'accepte ce message-là, tous mes ancêtres sont dans le faux. Et donc, ils voient ça comme une insulte envers leurs ancêtres, qui sont en enfer. Et celui qui meurt en dehors de l'islam est un mécréant. Et celui qui meurt en dehors de l'islam est en enfer pour l'éternité. Il est interdit aux musulmans d'invoquer Allah Azza wa Jalla en faveur des kuffars lorsqu'ils meurent dans leur coffre. Interdit. Invoque en faveur du musulman qui est mort. Tu délaisses les musulmans qui est mort et tu cherches des excuses à essayer d'invoquer les mécréants qui sont morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'il y aura toujours une minorité de sa communauté qui restera sur la vérité. Ceux qui les opposent ne les nuiront en rien et ils resteront comme ça jusqu'à vers la fin des temps. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a invité au pur monothéisme d'Allah et à son suivi sincère. Car il n'y a qu'une seule voie à suivre. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas tous les groupes et les sectes que l'on voit aujourd'hui. Un tel, il veut adorer Allah de cette façon. Hada, il veut adorer Allah de cette façon. Hada, il veut adorer Allah de cette façon. Et pour soi-disant ne pas diviser, on s'excuse sur nos différences et on s'unit sur... Sur quoi on est d'accord? Mais ça c'est faux! Ça c'est faux! Allah Azza wa Jal dit, le verset 115 de Sourate al-Nisa, « وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ » Celui qui fait scission d'avec le messager. « مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى » Après que la voie droite lui a été clarifiée. Il fait scission, ça veut dire il s'oppose avec le messager. Après que la voie droite lui a été clarifiée. « وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » Et qu'il suit autre que la voie des croyants, nous le rendrons responsable de son choix et le ferons entrer en enfer. Et quelle mauvaise destination. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son imam al-Sunnah, dans son musnad, selon Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une longue ligne droite sur le sol. Il a dit, en la traçant, il a dit, ceci est la voie d'Allah. Il n'a pas dit, cela sont les voies d'Allah. Il a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis, à côté de cette longue ligne droite, il a tracé des petites voies. Et il a dit, et cela ce sont les petites voix. Sur la tête de chaque petite voix, il y a un diable qui invite les gens à les suivre. Donc celui qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas le message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahabas, il ne fait que suivre un shaytan, un diable qui l'invite à s'écarter de la voie droite. L'imam Al-Qayyim rahimahullah avait mentionné kul turuq ila Allah masdouda, tous les chemins qui mènent vers Allah sont bloqués excepté la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux te rapprocher d'Allah, tu souhaites qu'Allah soit satisfait de ton adoration, que tu lui voues sincèrement, exclusivement, tu le veux, tu le souhaites, alors éduque-toi dans la religion d'Allah afin de connaître la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas et de connaître les voies égarées afin de t'en écarter, comme Allah azza wa jalla dit walitastabina sabil al-mujrimin, que la voie des criminels soit clarifiée. Et les musulmans ne connaîtront ni victoire ni succès sur terre jusqu'à ce qu'ils corrigent leur croyance envers Allah azza wa jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam en adorant qu'Allah tout en reniant toute forme d'adoration pour autre qu'Allah. Car c'est pour cette cause qu'Allah Azza wa Jalla a créé les humains et les djinns. Donc, s'ils ne concrétisent pas cela, ils connaîtront comme châtiment l'humiliation en fonction de leur degré d'opposition au message avec lequel est venu le dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce message dans les différentes situations. Il continua à inviter les gens avouer leur adoration à Allah Azza wa Jal seul, tout en reniant toute forme d'adoration pour autre que lui. Lorsqu'ils ont subi l'embargo qui a duré 3 ans par Quraysh, il continua à inviter les gens au pur monothéisme d'Allah. Lorsqu'il était dans la grotte et que les Quraishites le recherchaient pour le tuer, il continua à inviter au pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal. Et si les musulmans veulent savoir, lorsque l'on observe la mécréance qui tourne dans les demeures des musulmans et leur opposition au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se disent, mais d'où provient ce mal? D'où provient cette humiliation que les musulmans subissent chaque jour pratiquement ici? D'où proviennent-elles? Eh bien, ils n'ont qu'à méditer sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abi Daoud, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les nations vont se réunir autour de vous, tels des affamés se réunissent autour d'une assiette. Un des compagnons a dit, serait-ce parce que nous serions minoritaires, nous serons minoritaires au message d'Allah? Il a dit, mais vous un jour vous serez nombreux, mais vous serez nombreux, mais faibles comme l'écume. Vous savez c'est quoi l'écume? C'est la mousse blanche qui est sur la rivière. Tu souffles dessus, elle s'écarte. Vous serez faibles comme cette écume-là. Et Allah enlèvera la peur du cœur de vos ennemis qu'ils avaient de vous. Vos ennemis, vous craignez? Eh bien, Allah, il va leur enlever cette peur-là qu'ils avaient de vous. Et il mettra dans votre cœur le wahn. Ils ont dit, oh, messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn? Il répondit, c'est l'amour de cette vie et le fait de détester la mort. La dunya. Voilà l'état du musulman. L'amour de cette vie et le fait de détester la mort. Et Allah Azza wa Jal supporte ceux qui supportent la cause d'Allah. Qui sont-ils? Ceux qui font la prière, qui donnent la zakat, ordonnent le bien, interdisent le mal. Et l'issue de toute chose appartient à Allah Azza wa Jal. Et l'union des musulmans. Parce qu'on entend que des personnes qui disent, lorsque vous parlez sur la croyance, vous allez diviser les gens, la communauté. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui lui a été dit. Les Quraysh, les Quraishites, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, Mohammed a divisé les gens. Les gens vont se diviser lorsqu'ils vont être confrontés au livre et à la sunna. Tu exposes le Coran et la sunna aux gens. Ceux qui s'y conforment, et aime les gens de la sunna. Et il va y avoir des gens qui ne voudront pas s'y conformer parce qu'ils suivent leur passion. Et ils vont donc se diviser. Celui-ci ne pourra pas aller avec celui-là. Et on trouve ça jusqu'aujourd'hui dans des familles. Il suffit qu'il fait ses prières, qu'il commence à s'éduquer dans la religion. Il est traité de tous les noms. Parfois, il l'exclut même de chez lui. Oui. Mais l'individu se doit d'être ferme sur la religion. Peu importe ce que disent les gens. Tu as connu le haqq, tu as connu la vérité, tu t'y cramponnes. Car lorsque tu meurs, tu seras seul dans ta tombe. Ceux qui te disaient « je vais te faire, je vais pas te faire, je vais t'aider, je vais te... » Ils vont pleurer deux secondes sur toi. Après, ils vont t'oublier. Combien il y en a qui étaient là, qui priaient ici et qui sont morts? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'eux dans leur soujoud? Tu restes seul dans tes, avec tes œuvres. Donc, l'union des musulmans ne doit se faire que sur la vérité. On n'unit pas les musulmans comme ça avec chacun sa croyance ici et là. L'autre qui pense que son chir connaît l'invisible. On l'entend de nos jours, 2016. Un individu m'a dit que son chir, si tu te mets en face de lui, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il a associé à Allah, Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a dit, lorsqu'il disait à Oussama bin Zayd, qui avait tué un polythéiste qui a dit « La ilaha Allah », il a dit « Il l'a dit par crainte que je le tue ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « As-tu vu ce qu'il y avait dans son cœur ? Je n'ai pas été envoyé pour savoir ce qui est dans le cœur des gens. » Et Heza, il te dit que si tu te mets en face de son chir, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît l'invisible. Dire cela, c'est associé à Allah. Ça annule ton islam. Il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. C'est une religion de suivi et non d'invention. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider tous sur la voie prophétique sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma a'tayt tabarak rabbana wa ta'alayt. Allahumma izz al-islam wal muslimin. Allahumma izz al-islam wal muslimin. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله